me demande pourquoi je reste là, ou là. Je me mets en garde, je sais que si je parle, je m'arrêterai là, ou là. Et je n'ose plus, je suis perdue. Je me bats pour ne pas oublier ce qu'autrefois nous liait. Tu m'as dit des choses qui ne passent pas. Tu m'as dit des choses, tu as mis mon cœur au pas. Tu m'as dit des choses qui résonnent, des choses qui me sortent. Tu me regardes, me demandes pourquoi ces questions. Oh, oh, oh, je te mets en garde, j'ai besoin de savoir qui nous étions. Je te manipule, pour moi je sors de ma bulle. Enfin hors de mes songes, je ne veux plus vivre dans tes mensonges. Oh. Tu m'as dit des choses qui ne passent pas. Tu m'as dit des choses, tu as mis mon cœur au pas. Tu m'as dit des choses. Tu m'as dit des choses, tu as mis mon cœur au pas. Tu m'as dit des choses.